en réminiscence d'un vieux poème. À la goutte d'eau posée sur l'étamine de cette fleuve, je me suis posé une question. Le sujet est transparent, l'objet n'est pas défini, le complément de l'objet est le néant. Le rien et le vide sont pleins de sens, le sens de la marche est devant. Goutte d'eau posée sur l'étamine des fleurs, vers satanique ayant fait couler beaucoup d'encre, l'encre et l'émoi. Et moi sur les parfums de Mozart. Et moi sur les sentiments des blancheurs éternelles. Je suis une mer, un oiseau, une fleur, un arbre, une ville, une campagne, tout à la fois dans la folie qui me dépasse. C'est peut-être sage que d'être fou, une sagesse de fou posée sur les multiples carnets. C'est peut-être fou que d'être sage, une folle sagesse au bout de mes doigts. À la goutte d'eau, posée sur l'étamine de cette fleur, j'ai revisité toutes mes questions en un instant, histoire de voir si la neige est bien de l'eau, en réminiscence d'un vieux poème écrit autrefois.